d'habitude, c'est toujours aussi fou. Si vous continuez comme ça, d'ici peu, on va étirer les conférences du mois d'une heure. Là, sérieusement, parce qu'il y a des maudites bonnes questions qui me plaisent de répondre, et quand ça me plaît de répondre, bon, et moi qui avais l'intention de vous parler de comment se formaient les Melchisedec et répondre aux questions seulement lors de la troisième partie. Alors, on va y aller rapidement pour commencer ici, histoire de baisser un peu le taux d'attente. Lorsqu'une vibration matérielle est augmentée, elle devient motrice, elle fait bouger les choses. Lorsqu'on augmente encore la vibration, lentement, ça devient chaleur. Ça se sent. On fait vibrer un morceau de métal très rapidement, il devient chaud. Et si on continue à faire vibrer de plus en plus rapidement, ça devient lumière. Alors, on voit le morceau de métal devenir rouge. Blanc, ça vibre énormément. Toutes les couleurs sont incluses. Et si on le fait vibrer encore plus, évidemment, il y aura le son à un moment donné qu'on va entendre comme vibration. Et si on augmente encore sa vibration, on va créer des ondes tellement petites qui vont être capables aussi de venir activer les molécules organiques, les molécules d'eau, entre autres, de certains constituants. Et activant la vibration de ces molécules-là, ils vont avoir une tendance à donner de l'énergie aux molécules d'eau, donc ils vont les réchauffer. Les réchauffant, la chaleur des molécules d'eau activées va nécessairement réchauffer tout ce qui l'entoure. Et finalement, si c'est tellement bien, si la vibration est tellement haute, ça va même faire cuire ce qui est alentour. Et c'est comme ça un faux micro-ondes fonctionne. Je réponds aux questions. Et ici, on ne mange pas immédiatement une chose qu'on sort d'un faux micro-ondes. On laisse le temps aux particules de se calmer un peu. On ne risquera pas de se faire cuire le système digestif en même temps. Des personnes qui ont des visages semblables et qui souvent portent les mêmes noms. Peux-tu expliquer? Ben, c'est simple. Je l'ai expliqué souvent. Hein? De toute façon, on se plaît que je répète, hein? Oh, dis. Le corps physique attire ce qui va réincarnativement le constituer, ce qui fait que nécessairement, ce qui va venir dans un corps similaire sera similaire. Deuxièmement, la personne, si elle a la décence d'attendre d'avoir la face de l'enfant avant de le baptiser, va nécessairement percevoir la vibration vitale et constitutive de l'enfant, et elle va mettre en mots, en parole, en phonation sa vibration. Et si elle prend des archétypes déjà constitués, des noms déjà constitués, elle va d'instinct placer le nom qui se rapproche le plus de l'enfant. Et c'est pourquoi ceux qui ont des visages semblables, qui peuvent avoir des personnalités semblables, peuvent aussi avoir le même nom ou des noms semblables. Quel est le sens ésotérique du mot « ara » ben, ça dépend de ce qu'on entend par « ara ». Évidemment, « ara », on peut prendre comme sens bio-ésotérique, système de grande gueule, d'un perroquet. Bon. Le mot « ara » peut aussi symboliser l'énergie vitale qui part d'un foyer central de l'homme, c'est-à-dire que pendant longtemps, certaines ethnies perceptives ont pensé que certains centres d'énergie étaient à l'extérieur de l'homme. D'ailleurs, les centres d'énergie, ce qu'on appelle les chakras, sont tous à l'extérieur de l'homme, dans le dos de l'homme, à l'extérieur dans son corps vital, sauf un centre qui va être sur le devant. Et le centre, le hara, est symboliquement le foyer central de la volonté vitale qui peut gérer la montée du kundalini, donc du serpent, du feu serpent ou du serpent énergétique qui est représenté souvent dans les mécanismes tantriques. Le hara provient de la volonté de l'homme, c'est-à-dire que la volonté de l'homme peut influencer le hara, qui peut libérer. Il y a le phénomène de l'énergie sexuelle, le muladhara, et il y a le hara qui est un peu plus haut, qui peut être contrôlé par la respiration et en même temps par le travail sur le centre d'équilibre corporel, c'est-à-dire baisser son centre de gravité, ce qui permet au hara de monter un peu plus haut. Le sens ésotérique, contrôleur de l'énergie. Peux-tu expliquer le phénomène d'échange d'énergie qui accompagne directement le décès de René Lévesque, qui s'est réincarné dans tous les Québécois? jusqu'à quel point l'énergie manipulée a-t-elle été récupérée par l'ego du peuple québécois? Eh bien, on peut voir selon les sondages que même si le Parti québécois est tout démantibulé, il regagne en popularité. C'est normal, René Lévesque a toujours été pour son parti. Peux-tu expliquer la mécanique qui gère les réincarnations continues? Est-ce uniquement un phénomène d'attraction? Si oui, quelle est la participation de l'énergie tellurique dans cette mécanique? Alors, on va pas laisser passer. Je l'ai parlé souvent aussi. Nous sommes en septembre dernier, tu dis que le ciel s'ouvre. Explique. Le ciel s'ouvre en ce sens que l'énergie supramentale a de plus en plus de facilité à descendre à travers le monde de la mort pour parvenir dans la dimension qui s'appelle le monde de la vie, l'homme. Et en même temps, de plus en plus d'humains ont la faculté de percer le ciel avec leur conscience pour aller s'abreuver non pas à la mémoire céleste, mais directement à l'énergie supramentale. L'année dernière, la planète Terre ainsi que son système solaire pénétrait de plein fouet de plus en plus. Elle a commencé en 1969 et ça s'est accéléré. Et l'année dernière, on pénétrait en 85, on pénétrait massivement. 86, extraordinairement. 87, ça se poursuit. Ça va être en accélération jusque dans le milieu des années 1990. Par la suite, il y aura une tendance de stagnation, c'est-à-dire qu'il y aura plus de... il y aura toujours une descente, mais il n'y aura pas d'accélération. Jusqu'en l'an 2010, l'humain va vivre dans une digestion des énergies supramentales. Et à partir de 2010, vers 2011, l'énergie supramentale va recommencer parce que le système orbital de notre système solaire va pénétrer encore dans une région encore plus dense, plus massive, qui sera de plus en plus matérialisable et matérialisante d'énergie supramentale. Cela va durer près de 13 000 années. Et après ces 13 000 ans, l'homme sera dans une phase où il aura fusionné ce continuum descendant supramental et le contexte pianotique, le contexte des différentes octaves de l'évolution, les cycles perpétuels où on refait toujours la même chose, va cesser. Pour nous. Quelqu'un par légitime défense sans remords de conscience, c'est un karma. Non. Daniel, je reste connise tous les soirs, je deviens tout étourdi. Je vacille, j'ai mal au cœur. Pourquoi ce phénomène et comment contrôler cela? La personne reste connise et en même temps elle s'hyperventile. C'est-à-dire que sa resconisation est trop bonne et elle a trop d'efficacité, elle a trop d'énergie vitale et trop d'oxygène. Et au lieu de respirer resconiquement, comme un être conscient dans sa respiration doit respirer, elle respire en resconisant, mais au même rythme qu'un être non conscient, ce qui lui amène beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop d'oxygène. Alors il faudra qu'elle respire beaucoup moins le temps qu'elle travaille. Quand un couple s'est réincarné instantanément dans un corps vivant, puisqu'à la mort de cette personne, ils ne peuvent s'en séparer. Sont-ils conscients? Ils sont conscients sans être conscients. C'est quoi la subtilité qui les conserve individus dans un même corps? C'est celle que je viens de dire. Cette personne, en rajeunissant, peut-elle leur redonner chacun un corps séparément avec toute leur mémoire? Ça s'est déjà vu. Qu'est-ce qu'il a voulu dire quand il m'a fait promettre de ne jamais oublier que le bleu ne brûle pas? C'est ta job. Mon fils a assisté au visionnement de E.T. alors qu'il n'avait que 2 ans et demi. Disons que son corps a assisté. Aujourd'hui, il a 8 ans et chaque soir, il a une peur bleue. C'est intéressant, l'aura devient bleue. Lorsque le moment de dormir apparaît, il revoit en rêve E.T. dans lequel il se voit émotivement écrasé. Que peut-il faire ou que puis-je faire pour faire disparaître cette mémoire néfaste à tout jamais? La première chose, c'est de lui refaire voir le film E.T. Je n'ai aucune motivation, aucun intérêt dans mon travail, etc. Y a-t-il important d'avoir de l'ambition? Si oui, comment la cultiver? Comprenons qu'on a besoin d'argent. Ça devrait être suffisant pour que motivé ou pas. Moi, je déteste manger. Et je vais quand même manger. Si vous seriez cultivateur, que vous aimeriez manger, puis que vous détesteriez cultiver, vous cultiveriez. Ce serait une raison. Je comprends que la société vous permet de ne pas travailler, d'être sur l'assistance sociale et de continuer à avoir de l'argent. D'où le brime. Ça s'en va, la raison. Mais il y a eu des temps, il y aura des temps où l'humain fera la queue pour trouver de l'emploi, quel que soit l'emploi. Oh, les plus faibles vont se suicider se disant que ça vaut pas la peine de vivre s'ils n'ont pas 350$ clair par semaine, mais il y aura du monde qui vont rester pour faire la queue. Pourquoi? Ils n'ont pas besoin d'aimer placer des bobines sur des tirs. Quand ils ont le paye à la fin, ils s'en vont. Vivre, manger, dormir, s'habiller. Première raison pour laquelle l'homme doit travailler dans une société comme la nôtre, c'est se libérer des contraintes. Alors, est-ce qu'on a besoin d'une motivation, comprenons simplement qu'on doit faire un travail? C'est sûr qu'un jour, on peut s'arranger pour changer de travail. Mais ne pas travailler, c'est très karmiquement dangereux et évolutivement aussi. L'ail aide à rapprocher le corps vital du corps physique. Est-il d'autres aliments qui ont le même effet? Si oui, lesquels? Bon, elle n'aime pas l'ail. Ça sent une petite capsule. Il y a d'autres aliments qui aident à faire cela. Ces aliments, ce ne sont pas des aliments, ce sont des plantes qui poussent au Québec et qui, à un moment donné, certains vont les connaître parce que ça sera absolument essentiel qu'ils mangent des plantes qui vont plugger le corps vital à leur corps physique. De façon, on va en parler un peu au prochain PMC+, où on parle de constituer un réservoir d'énergie vitale. Le premier réservoir sera notre corps. Le deuxième réservoir sera quelque chose que l'on va bâtir et que l'on pourra, qui sera à l'extérieur de nous, bien matérialisé, de façon à ce qu'on n'ait pas continuellement à attendre de tout comprendre le processus de la manipulation du ciel, donc des énergies personnelles dans le monde de la mort, pour arriver à s'en servir. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent plugger le corps vital au corps physique, mais pour l'instant, considérons que l'ail est extrêmement intéressant. Où se situe la démarcation entre aider les autres et se faire siphonner en énergie? C'est exactement comme dans la conversation, ceux qui ont fini leur séminaire d'ajustement de parole. Une conversation, on la poursuit à l'exclusive condition qu'on connaisse le but, la finalité et qu'elle nous rapporte. Alors, si on aide autrui, il faut que ça nous rapporte. Mais il faut que ça nous rapporte, comme je l'expliquais tout à l'heure, avec une conscience planétaire, une conscience du moins populaire, peuple, une conscience un peu plus grande que la nôtre, de l'ombrie. Chaque fois que je permets l'économie d'énergie, j'aide. Si c'est en fuyant, j'aide. Si c'est en donnant, j'aide. Si j'ai une conscience planétaire, je ne travaille pas exclusivement dans le but de sauver mon énergie. Je suis une feuille plantée sur un arbre. Si je draine toute la sève vers moi, toutes les autres feuilles vont mourir. Tant pis pour elles. Si les autres feuilles meurent, l'arbre meurt. Tant pis pour moi. Alors, je dois m'arranger pour économiser l'énergie. Et je vous laisse méditer là-dessus. 5. Économiser l'énergie, pas notre l'énergie. Je serai peut-être malade, mais lorsque j'aurai suffisamment dressé de gens à préserver l'énergie, j'aurai juste à m'en aller quelque part dans la forêt, puis il y aura maintenant tellement d'énergie sur la planète que je serai guéri instantanément. Tandis que tant que je veux la conserver pour moi, l'énergie que je pourrais distribuer, l'énergie qui pourrait rapporter mieux ailleurs que chez moi, si celle-là, je ne la donne pas, eh bien, je mourrai avec 50% d'énergie avec laquelle je ne peux rien faire et 50% d'énergie avec laquelle je peux vivre, qui est trop peu, il m'en manque. Tout ce que je ne peux pas me servir en tant qu'énergie, il serait intelligent que je le lègue ou que je le place dans un réservoir d'énergie. L'Arche d'Alliance, quelle a été sa fonction, qui l'a construite, comment a-t-elle été construite, matériaux, quelle est-elle devenue? On va revenir. Je suis un drôle de phénomène. Régulièrement, on me salue, ils ont dit qu'on me connaît. Petite recherche verbale, ils ont réalisé la méprise. Même un soir, deux policiers m'ont arrêté, discutant dans l'autopatrouille. Ils ont avoué me connaître. J'aurais fait croire que c'était à la télévision ou en prison. Non. Et j'ai sauvé un ticket. À part d'avoir la face à tout le monde, si je l'ai suggéré, donne-moi une autre explication. Bon, ben c'est rusé, c'est bien ça. La personne, elle est sans doute constituée de beaucoup de phénomènes très minimes, mémoriels, réincarnatifs, de structures sociales. Et c'est pourquoi énormément de personnes ont une vibration avec elle Donc, ils peuvent, eux autres, ne comprenant pas l'ésotérisme du phénomène réincarnatif pluralitaire, ils pourront plutôt penser que mémoriellement, il y a eu quelque chose, donc ils diront « je te connais, il me semble que… » Simple. Expliquer comment se garantir l'aide de l'homme. Donner l'exemple. Je me rends compte que je suis mon anti-homme tout en moi. Que reste-t-il lorsqu'il est expulsé? Il va rester la personne qui vient d'écrire la question. L'illusion n'existe pas. L'illusion n'est que la mésinterprétation de la réalité. Donc, c'est ce qu'on appelle l'illusion. D'accord? À la première étape, on dit la matière est réelle. À la deuxième, la matière est illusion. Et à la troisième, la matière est réelle parce que la projection d'énergie supérieure... Si la matière est chaotique, est-ce que les énergies supérieures le sont aussi? Le chaos n'existe que du point de vue de l'homme. Le chaos, c'est tout ce qui ne fait pas partie de la compréhension harmonieuse de l'homme. C'est le chaos. J'ai mal choisi mon univers et j'ai oublié de prendre une correspondance. Puis-je changer de destination, même sans transfert, sans correspondance? Ou c'est trop tard? Une chance qu'ils ont inventé le système d'autobus. La personne n'a pas choisi son univers. Elle n'a pas oublié de prendre de correspondance. Elle ne peut pas changer la destination parce qu'elle ne sait même pas où elle va déjà là. Et il n'est pas trop tard pour ne rien faire. La mort n'est que la cerise sur le sundae de notre façon de vivre. La vraie mort, c'est chaque jour avec le compte de langue, les femmes et les enfants. Est-il possible de vivre comme si la mutation allait arriver sans la mort? Tout se peut. L'univers est en synergie. Nul ne peut voir Dieu sans mourir. Est-ce de l'ego dont on parle? Certains humains n'ont pas d'importance cosmique. Chaque individu humain n'a pas d'importance cosmique tant qu'il ne devient pas un exprimateur individuel de l'intelligence. Et donc, sont interchangeables. Ils n'ont donc pas plus d'importance planétaire. Comment se forge artificiellement à les trouver importants alors qu'ils ne le sont pas. Je n'ai pas dit qu'il fallait qu'on se force à les trouver importants. Je dis simplement que le gars ou la fille qui est absolument pas important, si elle passe dans la rue pas dessus, tu comprendras ce que je veux dire par « elle est importante ». Elle vient de changer tout ton avenir. Et lui-même va dire « oui, mais on n'a pas de libre-arbitre. On n'a pas de libre-arbitre. Mais ça n'empêchera pas la personne qui vit d'une attente active de finalement être animée par quelque chose de supérieur qui aura la possibilité d'être imprimée dans l'ego, la faculté de comprendre que les autres égos ne sont que des robots. Et lorsqu'un robot découvre un maître, il ne tue pas, il passe. Les autres sont ici. Si les humains individuellement n'ont pas d'importance, ce que je veux dire, c'est que pour permettre l'accomplissement de l'évolution, tuer ou faire naître, ce n'est pas un problème pour les lois cosmiques ou pour le régent cosmique. Qu'un être humain vive ou meure, tout le monde s'en fout. Seuls ceux qui ont de la mémoire de l'humain souffrent parce qu'ils ont de la mémoire de l'humain. Lorsque la mémoire de l'humain est morte, on ne souffre plus, on s'en fout. Qu'un gars meure au Vietnam, on s'en fout tout. Cosmiquement, c'est la même chose, sauf que le gars au Vietnam, pour le gars au Vietnam, c'est le gars ici, c'est un de vous autres. Et tout le monde s'en fout. L'important, c'est que la mort, la maladie, ces choses-là engendrent dans ceux qui restent des événements, dans la mémoire astrale des événements, de façon à ce que la génétique puisse être améliorative pour engendrer des corps physiques qui auront de l'allure. C'est ce que je veux dire, par l'humain n'a pas d'importance cosmique. Autrement dit, toute l'énergie cosmique ne s'est pas concentrée pour vous protéger. Votre propre protection est entre vos mains. que je veux dire par n'a pas d'importance. Il n'y a pas de guide qui vous sauve, il n'y a pas de maître qui vous protège, il n'y a pas de sphère de lumière qui vous empêchera de vous casser la gueule. Si vous ouvrez les yeux et que vous observez les choses, vous éviterez des accidents. Et si vous dormez, vous allez vous faire frapper. Il n'y a pas d'importance cosmique dans l'individu, il n'y a d'importance cosmique que dans la race. Lorsque dans la race naît une personne qui peut aider l'expression de l'intelligence dans l'idée mutative des corps physiques, cet individu devient important. C'est-à-dire que lui sera protégé. Je n'ai pas dit que l'homme était de la merde, j'ai dit que l'homme n'avait pas d'importance en tant qu'individu au niveau du point de vue cosmique. Qu'une personne ici meurt, qu'est-ce que ça peut foutre étant donné qu'elle va se réincarner? Du point de vue cosmique, on s'en fout qu'elle meurt. Oui, mais cette personne-là est importante, cette personne-là fait ceci, cette personne-là fait cela. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir. Rien. Parce que de toute façon, elle va revenir. Du point de vue de ceux qui la connaissent, ils la perdent. Pas du point de vue cosmique. Et lorsque l'individu commence à se conscientiser, il doit prendre en considération l'écosystème. Tous les pissenlits sont importants. Tu viens de m'écraser un? Pas grave. C'est comme ça que marche l'humain. Vous êtes tous importants par le fait que vous faites partie d'une race. Qu'un dieu vous écrabouille avec son pied, ah, je fais plus attention la prochaine fois. Puis vous là-dedans, quoi vous là-dedans, qui vous? Vous gagnez le monde de la mort, et puis vous allez revenir. Alors pourquoi du point de vue cosmique, quelqu'un s'intéresserait à savoir qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y a rien de perdu. Le contenant change, ce qui le constitue ne change pas. Alors on ne se force pas à voir les autres comme étant importants. Tout ce que l'on doit se comprendre, c'est que toutes les autres ont fait en sorte que je sois ce que je suis. Vous avez des problèmes, tout l'écosystème ainsi que vous, un manque de compréhension de la visualisation de l'écosystème. L'homme qui ne peut pas comprendre ce qu'est un système écologique, il devrait tout abandonner puis essayer que de comprendre que ça. Que ça. Le style maringouin n'a pas d'importance, mais parce qu'il est rentré dans ton automobile, parce que tu as eu un accident à cause que tu n'en avais pas, ou ça peut être une guêpe, si vous voulez plus, parce que tu l'as frappé et tu as perdu de l'énergie, tu as perdu un petit peu de sang, le petit maringouin qui s'appelle mouche tsétsé et qui communique la trypanosome, la trypanosomiase, la maladie du soleil partout, des maringouins comme le nôtre. Il n'y a pas d'importance, pas du point de vue cosmique. Point de vue du gars ou de la fille qui est pognée avec la maladie du sommeil et qui va en mourir. Bien, cet insecte-là n'en a pas plus d'importance dans sa conscience. Elle maudit tous les insectes. Elle maudit le pays, alors qu'il n'a fallu qu'un insecte. Sauvez-vous de la police. Prenez une autoroute, payez tous les flics de Montréal derrière vous. Ils n'auront pas assez d'automobiles pour boucher toutes les sorties. Alors, vous pouvez rire. Vous pouvez dire aux flics, à qui est sorti que là, je suis libre. Puis le flic est wise, il va dire non. J'ai en masse de taux pour boucher une sortie. Il faut juste que je bouche la bonne. Tout est simple si on comprend l'écosystème. Et lorsque on dit, oui, mais ça veut dire qu'il faut que je me force à trouver les plantes importantes. Non, elles sont importantes. En réalité, elles sont utiles. Et du point de vue des l'ego, cela doit être considéré comme de l'importance. Vous marchez dans la forêt, vous écrasez des fourmis, ça n'a rien à voir, on s'en fout. Vous voyez les fourmis, puis vous placez le pied à côté, vous venez de gagner un iota d'énergie. C'est ça la mécanique. Conscience. C'est vrai qu'ils ont fourmis. Pas de problème. Du point de vue de Dieu, du point de vue du cosmique, t'es pas grand-chose non plus. Sauf que si tu vois que c'est une fourmi et que tu mets le pied à côté, c'est que tu permets à l'intelligence de descendre, ce qui engendre et projette, profite à la mutation. Je ne vois pas l'autrui important. Mais Une chose certaine, c'est que tout ce que je fais provient d'autrui. Tout ce que j'ai pour m'habiller provient d'autrui. Tout ce que je mange provient d'autrui. Tout ce que j'ai provient d'autrui. Et c'est à cause de ce que j'ai que je suis ce que je suis. Bien, si boire autrui a une certaine forme d'utilité. Et moi, pour eux aussi. Une utilité mécanique. Je ne veux pas que vous commenciez à vous mettre à genoux devant les individus. Ça n'a rien à foutre. Quand vous voyez une personne s'en venir vers vous, dans un corridor mince, vous vous tassez un peu, puis elle ne se tasse pas pantoute, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se tasser plus. C'est simple. Vous sauvez de l'énergie et vous ramassez son énergie. Elle a de l'ego, elle vient. Premièrement, l'énergie vitale se déplace vers vous de façon à solidifier le corps physique lorsque vous allez vous accrocher les épaules, même si elle est inconsciente. Et lorsque vous vous tassez un peu plus, énergétiquement, l'énergie tombe. Exactement comme ça, s'appuyer physiquement, puis vous vous tassez. C'est elle qui revole. C'est un principe du judo très, très, très, très, très ancien. Ou c'est un principe chrétien très ancien. Ou c'est un principe abrahamien très ancien. Sans la planète Terre, nous ne sommes pas là. La planète Terre, elle est constituée de tout ce qui la constitue, et il manque une chose, tout est sur le cul. Et c'est pas parce qu'on ne voit pas ça. Chaque fois qu'il y a des problèmes sociaux, c'est parce que les gouvernements, les rois, les royautés, etc., ont perdu de vue l'importance de tout le monde. Chaque fois que l'on veut évoluer dans une société où on pense qu'on est toujours écrasé par tout le monde, c'est parce qu'on évolue contre la société. On n'évolue pas dedans, on évolue contre. Le policier qui admet une contravention, c'est un hostie d'épais. Si tu serais dans son corps, tu serais toi aussi un hostie d'épais. Et si lui serait dans ton corps, il verrait aussi clair que toi. Parce que c'est la génétique qui l'a déterminé. Elle détermine l'accumulation des mémoires. Donc, elle détermine la constitution de votre ego, votre façon programmée de penser. Alors, parce que vous avez un corps physique qui ne vous regarde même pas, mais qui vous a attiré, bon, parce que l'autre a un corps physique qui a attiré d'autres choses, et puis on peut chialer. Je répète que chaque personne qui n'a pas votre possibilité de comprendre, les personnes qui suivent, les personnes qui traînent, les personnes des pays sous-développés, etc., sont ceux qui nous permettent d'être ce que nous sommes. Alors, c'est évident qu'ils sont importants. Qu'est-ce qu'Adolf Hitler voulait faire? Éliminer ce peuple. Alors, il a travaillé pour éliminer ses peuples. Et quand il n'y a plus assez de peuples qui mangeaient à marbre, c'est le troisième Reich qui mangeait à marbre. On ne peut pas faire autrement. A-t-on idée de mourir? C'est aberrant, tout s'use. L'amour comme la matière. Pas d'absolu là-dedans. Comment s'en sortir? Il y a l'absolu. On pourra revenir. Si on perd connaissance quand on se coince le petit doigt dans une porte, comment l'énergie du système nerveux pourra-t-il à jamais supporter le plan supramental? Quand on se coince le doigt dans la porte, le système nerveux vient lire, c'est-à-dire qu'il y a des cellules sensitives qui amènent au cerveau, par le biais de différents phénomènes de coloration, l'importance de l'influx. Si plus d'une quantité de neurones vient à être énergisée par cet influx, le cerveau, la personne peut engendrer un choc psychogénique, par exemple. Un choc où la psychologie va ralentir le battement cardiaque à un point tel que le cerveau va manquer de sang et la personne va tomber dans les patates. Il n'y a aucun... connaissance et puis rencontrer l'énergie supramentale qui, elle, procède par d'autres phénomènes. Il y a l'ajusteur de pensée et dans la majorité des cas, l'individu n'a pas d'ajusteur de souffrance. Ça se développe, mais la majorité des individus n'en ont pas. Il y en a quelques-uns qui l'ont. Ils sont capables d'atténuer une souffrance. mais la majorité ne l'ont pas. Et l'ajusteur de pensée, lui, vient avant le contact supramental, alors faites-vous-en pas, continuez à perdre connaissance. Bon, planète est un mot intéressant. On joue en différé, puisque tout est déjà joué du côté de la non-existence où le temps n'existe pas. On ne joue pas en direct. Il y a longtemps que les spectateurs de l'autre côté savent comment le film finit et sont allés se coucher. Comment sortir de ce film, nous qui le projetons? C'est intéressant. C'est très, très, très intéressant. Un peu langage d'oiseau, mais c'est bien. Il y a une chose que la personne doit comprendre, c'est que les spectateurs sont partis se coucher, alors à quoi ça sert de continuer à jouer? Si on ne continue pas à jouer, jamais le film n'aura été continué, donc les spectateurs auront été déçus. Ce n'est pas parce qu'une chose apparemment est déjà faite qu'on ne fait que jouer un rôle, alors pourquoi le continuer? C'est que si on ne continue pas, tout ce qui a déjà été fait n'aura jamais été fait. Et le rôle de l'homme, même si apparemment il fait une chose déjà accomplie, c'est que la chose ne sera accomplie, même si elle est déjà finie, qu'à la condition que l'homme la repasse, la réaccomplisse. Et là, elle sera parfaite. Alors, on peut poser la question. Moi, mon père, ma mère me mettent au monde, je vis, je prends un véhicule, je retourne dans le passé, je reviens, je tue mes parents. Qu'est-ce qui arrive de moi? Instantanément, je ne peux pas être revenu au monde, donc je ne peux pas être là. Paf, il disparaît. Je ne suis pas là, donc je n'ai pas tué mes parents. Paf, j'apparais. Mais vu que je suis là, je tue mes parents. Paf, je disparais. Il y a énormément de choses comme ça. La personne qui retourne dans le passé ne pourra pas tuer ses parents. Et même si elle retourne dans le passé et qu'elle se voit enfin, elle va dire, tiens, moi, allez lui parler. Si elle va lui parler, je vais changer l'avenir. Ça veut dire qu'elle, quand elle était jeune, quelqu'un est venu aussi lui parler. Elle ne changera pas l'avenir. L'homme doit accomplir ce qui déjà est accompli. Et je réponds pour la personne qui pose la question. La question est assez subtile. La réponse devrait donc être comprise. Est-ce la nature qui nous garde prisonniers ou nous qui la gardons prisonnière? Et elle qui finit par mourir de nous? Une question intéressante, mais la nature et l'homme, c'est la même chose. Quand une personne crée un remous chez une autre personne par une manifestation astrale, elle crée une initiation chez la personne. Est-ce que la personne qui vient d'être initiée doit quelque chose à l'autre? Si oui, quoi? Si elle l'a demandé, elle doit quelque chose. Si elle ne l'a pas demandé, l'autre paiera karmiquement. Tu dis que le supramental ne sait rien de l'homme, alors ceux qui ont déjà fusionné n'auraient rien apporté à la mémoire galactique de la part de la mémoire planétaire. Ceux qui ont déjà fusionné n'apportent rien. La mémoire supramentale ne peut pas connaître l'homme parce que la mémoire supramentale vibre à un degré tellement rapide qu'aucune mémoire planétaire ne peut être placée dans le continuum supramental sans être détruit. C'est pourquoi l'on dit lorsque l'ego regarde Dieu ou lorsqu'il le reçoit, il est détruit. Il ne peut plus rien se rappeler. Tous ceux qui ont eu un contact fusionnel avec le plan supramental restent. Lazare a eu ce contact et Lazare reste humain. Le Nazaréen a eu ce contact et le Nazaréen reste humain. C'est pourquoi il est resté humain comment? En pluguant des mémoires dans le monde de la mort, mémoire que tout le monde se passe encore son temps à vénérer et à adorer. À un moment donné, il va venir la rechercher. Ceux qui ont eu un contact fusionnel, comme les grands maîtres, ont toujours un corps planétaire. Il n'est pas nécessairement physique, il peut être éthérique planétaire, donc un corps de lumière. On ne peut pas les sectionner la chose. Alors voilà, ceux qui ont eu une fusion n'ont rien amené de connaissances planétaire dans le monde supramental, pour la simple raison que les connaissances planétaires restent au niveau de la planète et les connaissances supramentales au niveau du plan supramental. Lorsque l'homme veut amener la connaissance supramentale dans le plan planétaire, il doit passer par la parole, donc nécessairement il passe par la mémoire, donc par l'astral, et le temps que prend la parole, le son, à se véhiculer du centre phonique aux oreilles, eh bien, veut pas, c'est de la mémoire et ça passe par le biais de la coloration astrale, ce qui fait que le contact supramental ou la communication pure supramentale ne peut se faire que dans l'éther, c'est-à-dire dans le plan supramental de point de vue télépathique. Donc, deux individus ou 15 ou 20 000 ont la même connaissance en même temps. À l'instant que cela se fait dans le contexte télépathique biologique ou encore carrément oral, nécessairement, le plan supramental est coloré et ça passe déjà moins. Le bel amour d'un père aimant, c'est possible que lorsque l'on se croit supérieur. Il faut aimer les plus petits, n'est-ce pas? C'est encore un autre phénomène de la spiritualisation. J'ai déjà expliqué en PMC+, je ne reviendrai pas là-dessus, j'ai décidé que moi je passais, qu'il y avait un très, très, très, très petit fil entre ceux qui font des choses sans savoir pourquoi et ceux qui le font en sachant pourquoi. Et c'est la même chose. Il y a ceux qui mangent sans savoir pourquoi ils mangent, et il y a ceux qui mangent en sachant pourquoi ils mangent. Sont-ils pareils? Non. Alors, est-ce qu'on doit sentir les autres plus petits pour les aimer? Du point de vue spirituel, oui, parce que l'être humain doit prendre pitié des faibles. Aimer ne provient pas de l'homme. Aimer n'est pas un choix. Lorsque l'intelligence arrive à s'exprimer par la compréhension ou par la résonance, observer, observateur, l'être humain aime d'une façon impeccable, il aime sans souffrir, il aime sans juger, il aime parce qu'il n'aime pas. Son amour n'est pas sélectif ni conditionnel. Aimer les plus petits, il faut aimer les plus grands aussi. Il faut s'aimer soi, il faut aimer les différents. Bref, il ne faut pas s'en faire. Moi, je n'aime pas les humains. Je n'ai pas besoin de m'occuper d'aimer l'homme. Lorsque je rencontre quelque chose, j'agis avec la chose. Cette chose, je l'aime, j'agis avec. La chose n'est plus là, je ne l'aime plus, je ne l'ai plus en mémoire. Alors, je ne passe pas mon temps à regarder dans la rue à dire, c'est quand même du bon monde. J'ai bien d'autres choses à faire que ça. Aimer, c'est pas de transmettre de l'énergie. Ça, c'est nourrir le monde de la mort. La haine non sélective n'est-elle pas plus pure que le mépris des grands? Non. C'est pareil. Les changements font partie de l'effet. Triper sur l'effet, se masturber d'évolution, est-ce si noble? Qu'est-ce qui évolue? Ce n'est pas la psychologie, ce n'est pas le physique. Si on regarde des figurines de l'ère mégalithique, elles ont la même forme physique que certaines femmes, 87. N'évolue-t-on pas pour retourner à la cause? L'homme, psychologiquement, peut se plaire de triper de l'évolution. Retourner vers la cause, c'est ce que nous faisons. Et comprendre que chaque parcelle de réaction est en réalité l'action bien camouflée, c'est connaître et goûter un peu plus la réaction. Sauf que celui qui étudie continuellement la cause ne pourra connaître que l'illusion de l'action par le biais de la réaction. Celui qui va comprendre et étudier l'effet verra nécessairement l'intentionnalité de la cause, ce qui lui révélera non pas l'illusion réactionnelle de la cause, mais l'action première, la cause elle-même ou la cause primordiale. L'homme doit retourner vers la cause, c'est-à-dire que l'homme doit s'arranger pour finalement orchestrer les réactions jusqu'à un point tel où chaque réaction s'annulera elle-même. L'homme est un créateur. Dans le domaine très limité de la conscience humaine, il manque de sphère pour vibrer les choses. L'homme est un créateur. Et l'homme créera un jour l'anti-action. L'homme est un créateur et l'homme pourra créer l'anti-création. L'homme est un créateur et l'homme pourra s'arranger pour parfaire ou accomplir sa fonction, faire en sorte que l'univers n'ait jamais existé. L'homme est un créateur, il n'est pas un destructeur. Il créera les choses qui pourront parfaitement s'associer au chaos, détruisant par le fait même le chaos. C'est comme un casse-tête à deux pièces. Le casse-tête est intéressant tant qu'il manque la pièce, tant qu'on doit la placer. Quand elle est placée, le jeu est fini. Le casse-tête est parfait, mais plus personne ne voudra l'acheter. Il y a dans l'univers des choses qui, du point de vue de l'homme, paraissent chiennes, chiantes, écœurantes. Il y a même des entités, des hommes, des femmes, et d'autres phénomènes hiérarchiques extraterrestres qui finissent par tellement trouver chiant tout qu'ils mettent toute l'énergie qu'ils ont à fuir les conditions causales de l'évolution descendante-ascendante de la création. Ils mettent leurs énergies à fuir toute structure établie et à essayer de fuir toute loi matérielle, vitale, astrale, mentale, temporelle, intemporelle, humaine ou divine. Il y a des êtres énergétiques qui ne peuvent tolérer quoi que ce soit de supérieur, d'inférieur ou d'égal. Il y a des êtres extraterrestres, c'est-à-dire des phénomènes énergétiques et d'autres phénomènes énergétiques terrestrifiés, donc des terrestres, des humains, qui évoluent à une vitesse subtile et tout au long de leur évolution refusent catégoriquement ce qu'ils sont et ce qu'ils deviennent. Et ce refus catégorique engendre une perturbation énergétique à l'intérieur de celui qui évolue. Et cette entité finit par devenir un microcosme complet et total dans le macrocosme, la création. Il devient un rejet, il devient un excrément cosmique. Il devient un phénomène plus ou moins indestructible, mais qui n'a apparemment aucune raison d'être dans la création. Ce personnage ou ces personnages se rapprochent en étant l'excrément cosmique des substances toxiques de la création, des déchets, il se rapproche d'un autre phénomène intéressant qui porte le nom d'amour. Un amour qui aussi doit ou a dû fuir l'homme depuis le début de la création. Il y a comme principe, disons, supra-atomique, physique, une loi qui est théologiquement reconnue aussi, que toute chose découle d'une chose et que chaque chose a son point d'origine. Chaque chose est engendrée par une suite plus ou moins complexe de d'autres causes. Tout le phénomène évolutif ou cosmique est réactionnel. Il n'y a eu qu'une seule action qui n'a à peine eu le temps d'être, la création, d'où le terme création. Et à travers toute cette mécanique absolument logique où chaque chose naît d'une cause, de temps en temps apparaît une condition énergétique qui ne naît de rien, qui n'engendrera rien. Et c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est absolument gratuit, ce n'est causé par rien, ça n'aboutit à rien, ça l'a été, ce n'est plus, ça n'a jamais été. Celui qui aime planétairement et qui veut aider quelqu'un parce que ça le touche est réactionnel, ce n'est pas cet amour. Celui qui se promène sur la rue et puis soudainement se retourne, ouvre la porte à quelqu'un qui a des difficultés et puis il continue son chemin. C'était de l'amour. Celui qui y pense est réactionnel. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est peut-être de la logistique, de l'écologie ou de l'intelligence. Cela fait partie de l'amour intelligent. Alors, il y a l'amour psychologique de l'âme, l'amour sélectif, l'amour conditionnel. Il y a l'amour intelligent de l'homme nouveau, l'amour inconditionnel, l'amour non sélectif. Et il y a, au-delà, l'ectopicité, la chose qui apparaît sans aucune cause et qui disparaît sans aucune raison. À travers cela, les certains individus qui, au travers les temps de l'évolution cosmique et planétaire, se rapprochent de cela, finissent par être quelque chose qui ne naît plus de rien, parce qu'ayant rejeté toutes les conditions légales, devient un phénomène excrété, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut rien faire avec. Il restera balloté à travers tout le continuum mécanique des programmations et de l'évolution de cette cosmologie sans en bénéficier. Il n'en bénéficie plus. Et certains de ces personnages ont été terrestrifiés. Et il y en a encore sur la planète des excréments cosmiques. Il y en a toute une horde, et il y en a une quinzaine sur la planète Terre présentement. Et étant donné qu'ils ne peuvent participer à l'évolution, ils sont rejetés partout dans l'univers et ils sont suffisamment mémoriels qu'ils ne peuvent pas devenir des antithèses d'eux-mêmes. Donc, ils ne peuvent pas se détruire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas naître à la réalité. Si un jour un être humain serait totalement détruit, on ne retrouverait plus rien de ce qui le constituait. Pas de lumière, pas de chaleur, pas de son, pas d'énergie, pas rien. Il serait libre de la création et il serait dans l'endroit où un jour nous allons aller et d'où nous provenons. La destruction totale, ce n'est pas épeurant, c'est le salut. Mais lorsque l'homme meurt, son corps reste, rien ne se perd, rien ne se crée. Et lentement, ces personnages finissent par être rejetés par tout ce qui existe dans la création. On n'en veut pas. Et rejetés par toute la création, ils n'ont pas le choix que d'aller quelque part. Et ce quelque part fait partie de la création. D'où leur souffrance majeure. Ils souffrent d'une maladie particulière. Ils ne peuvent pas retourner en arrière et ils ne peuvent pas avancer en avant. Ces êtres, lorsqu'ils tombent quelque part, n'apprennent rien, ne changent pas, restent ce qu'ils sont, mais créent un remous majeur à travers ceux parmi lesquels il est tombé. Ces êtres, je parle de ceci parce qu'il y en a une quinzaine sur la planète. Il y en aura d'autres. Et on doit apprendre lentement à les reconnaître. Un jour, je vous dirai pourquoi. Pour l'instant, je dis ceci. Ce sont des Melchizedek. Un Melchizedek est un être non ascensionnel, non involutif. Est un être qui ne participe à aucune évolution ou à aucune involution, mais qui catalyse, qui accélère une réaction sans en prendre part. Je dis ceci premièrement pour avertir certains phénomènes melchizédiens. Ils sont catalyseurs et non pas nécessairement catalyseurs d'évolution. Cosmiquement, ils sont catalyseurs d'évolution. Ils doivent être régis par l'intelligence de l'homme. Ils doivent être régis par l'intelligence de l'homme parce que sinon l'homme catalysé par eux sera régi par le vide, melchizédien. Ce que je veux dire qu'à un moment donné, vous avez une idée géniale, vous la partez l'idée, vous faites toute la chose au complet, pour vous de 6 mois, un an et demi, 2 ans, tout ce qui vous expliquait l'idée est disparu. Vous ne savez plus pourquoi. Vous étiez plugué à une énergie melchizédienne qui vous a catalysé, qui n'a pas pu en bénéficier et qui, à un moment donné, est rejetée ailleurs dans notre univers, ce qui fait que tout ce pourquoi vous faisiez n'a plus de raison d'être. Et le Melchisedec, c'est pas un bonhomme qui se promène en robe de chambre, là. Le Melchisedec peut être travaillé, on peut s'en servir pour catalyser des événements qui nous semblent intelligents. Le Melchisedec ne peut pas travailler contre l'intelligence. Le Melchisedec ne peut pas travailler contre l'intelligence. Il peut, par contre, travailler pour des expressions de l'intelligence, soit celles qui manipulent les forces d'involution, soit celles qui manipulent les forces d'évolution, et il ne dépend qu'à l'homme de se servir de ce catalyseur. Alors, on peut nécessairement absorber, on peut entrer en contact, on peut manipuler une force melchisédienne de façon à ce qu'elle catalyse l'intelligence de nos idées. Savez-vous qu'est-ce qui manque toujours à l'homme? C'est les raisons intelligentes. L'homme n'en a pas encore assez. L'homme a des raisons émotives ou des écœurements intelligents. L'homme n'a pas de raisons intelligentes encore. Et le Melchisedec est un catalyseur d'évolution. La Lune est habitée par des forces melchisédiennes. Ces forces très proche de l'énergie éthérique, se véhicule sur des faisceaux photoniques, se véhicule par la lumière. Le soleil est trop évolutif. Il n'y a pas de Melchisedec. La lune sert énergétiquement de dortoir. Et lorsque, de temps en temps, certains humains se font manipuler par des pleines lunes, lorsque les forces melchisédiennes sont projetées sur le contexte de celui qui peut voir, vous êtes heureux, vous serez plus heureux. Vous êtes déprimé, vous serez plus déprimé. C'est un catalyseur. Ça accentue les choses. Accentuer les choses ne veut pas dire pour le bien ou pour le mal, veut dire accentuer les choses. Il y a des cycles où l'être humain se sent malheureux. Des cycles où il n'a plus le goût de faire quelque chose. Il y a des cycles. Et on doit apprendre chacun à connaître les cycles biologiques et réincarnationnels qui nous assujettissent à cette loi cyclique de catalyse, de catalysation. Parce que lorsque l'on sait que le cycle approche, on se prépare à être ce que nous voulons être. Pour qu'on puisse se servir de ces phénomènes melchisédiens catalyseurs de façon à précipiter notre ascension. Continuellement, l'humain abandonne toujours à l'hasard son évolution. Au hasard, si vous préférez. Et il a tout dans la face, dans le nez. L'homme doit se prendre en main. On lance une corde dans le trou, mais on ne descendra pas vous attacher après. Puis quand est-ce que l'humain veut monter après la corde? C'est quand on est écœuré et qu'on retire la corde. Comme le chat qui part après la corde quand il voit que la corde s'en va, puis qui se couche à côté tant qu'elle ne bouge pas. Il y a des cycles. Et on doit s'arranger pour pouvoir préparer les cycles en plénitude plutôt qu'en dépression. Ce sont des choses très applicables, très faciles et mauditement efficaces. Chaque fois que vous êtes entouré de gens qui vont mal, des gens qui s'auto-énergisent à aller mal, à se déprimer, il y a un phénomène melchisédien à l'intérieur de ce décrépissement. Et si on est entouré de gens qui s'écrasent, on se sent motivé. Puis plus qu'ils s'écrasent, plus qu'on sent l'attaque. Quand tout va mal, c'est là que je me réveille. Parfait. Il y a des cycles. Et on doit apprendre à se servir de cette énergie. C'est un excrément qui ne cherche plus rien, qui n'a comme fonction que de catalyser, accélérer une réaction sans en prendre part. Ça a un maudit avantage. Premièrement, ça ne sera jamais un maître. Ça ne pourra jamais vous subjuguer. Ça ne pourra jamais prendre votre place. Ça ne participe pas à votre évolution. Puis en même temps, ça accélère, ça bouscule. Il y a toujours la maudite problématique. Et chaque chose arrive en son temps. Et c'est vrai. Lorsque vous décidez d'accélérer, c'est parce que c'est le temps. Plus vite vous déciderez, plus vite ce sera le temps. Celui qui... Parce que ça ne change rien de dire, oui, mais si, est-ce que j'ai décidé plus vite parce que c'était le temps, ou bien non, ça a été le temps parce que j'ai décidé plus vite. Je m'en fous. Une chose qui est sûre, c'est que vous ne pourrez pas rien faire tant que ce ne sera pas le temps de le faire. Cela veut donc dire que si vous vous décidez tout de suite, cela prouve que c'est le temps tout de suite. Alors, cessez d'attendre que le temps vienne. Ça ne changera rien à rien. Mais ça change tout à tout. Comprenez bien la nuance subtile. Je suis en train de vous expliquer comment faire un coup de cochon à l'intelligence qui règle l'évolution. Et les coups de cochon dans le bien de la compagnie sont toujours bien vus par les patrons. Alors, je me fous de ce qu'ils peuvent parler ou penser. Nous ne pouvons rien accélérer. C'est un fait. Tout doit être dans son temps. C'est vrai. Si émotivement ou égoïquement, on veut se casser la gueule, enfin, on ne le veut pas, mais on se lance trop rapidement, on se casse la gueule. C'est vrai. Si mentalement, si intelligemment, on décide que on ne pourra pas avancer rien sur le temps. Mais il y a une chose que l'homme oublie dans cette explication. C'est que le temps est une illusion. Lorsque l'homme décide que c'est le temps, décide-t-il que c'est le temps parce que c'est le temps qu'il le décide? Ou si c'est-il le temps parce qu'il le décide? La réponse, c'est les deux choses, intimement fusionnées. Mais ça n'a aucune importance de comprendre toute cette problématique. L'important est de comprendre que vous ne pouvez rien accélérer, rien. Et que chaque fois que vous accomplissez une chose, c'est que c'est le temps. À partir de ce principe, accomplissez. Ce sera le temps. 5. Puissant con. Les énergies melchisédiennes sont des catalyseurs. Chaque fois que vous sentez une chose s'en aller, pensez que vous auto-énergisez une chose qui travaille contre vous. C'est de connaître les cycles, de s'arranger pour être heureux dans chaque cycle. Et c'est le temps lorsque c'est le temps. Je n'ai rien contre. Je n'ai rien contre. Je ne changerai pas ça. Ça ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai à faire. Ou je m'ajusterai au temps, ou le temps s'ajustera à moi. On va revenir.